Ce petit qu'il faut qu'on fusille, on le mena devant la croix. Ce petit qu'il faut qu'on fusille, on le mena devant la croix. Cigarette blancheur de fille, il tira de sa poche trois. L'une il la mit à son lisgourde, l'autre à sa lèvre, et puis en l'air, il jette son chapeau qui tourne comme le soleil du désert. La troisième tout juste éteinte sur le calvaire, il l'a perdue. C'est elle qui poussa la plainte, puisque les hommes n'ont rien dit. Puisque les hommes n'ont rien dit. Nous abordons la deuxième partie de la nuit spéciale consacrée à Jacques Audiberti avec cette chanson intitulée « Trois cigarettes » interprétée par Christine Sèvres, et Jacques Audiberti en avait bien entendu écrit les paroles. Alors nous sommes en compagnie de Marie-Louise Audiberti, auteure d'un très beau livre intitulé « Sur les pas de mon père » édité par Lamourier Éditions. Jacques Audiberti donc est né à Antibes en 1899, il est mort à Paris il y a exactement 50 ans. Son œuvre est immense, une soixantaine de livres, du théâtre, de la poésie, des romans, des essais, sans compter tous les articles de revues, puisqu'il a collaboré par exemple à la NRF. Marie-Louise Audiberti. À la NRF, à la Parisienne, à Art, au Cahier du cinéma, où François Truffaut lui a demandé de... Mais oui, François Truffaut aimait beaucoup Jacques Audiberti. Beaucoup, beaucoup. Il est dans au moins deux de ses films, La Chambre verte, où l'on voit la photo de mon père, avec d'autres, bien sûr, qui sont les grandes passions de François Truffaut. Et aussi dans un film qui s'appelle, je crois, Hôtel de l'Amérique, ou quelque chose comme ça, avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Et il a intitulé l'hôtel dans lequel descendent, se rencontrent Belmondo et Catherine Deneuve, il l'a intitulé Hôtel Monorail. Monorail, c'est le titre d'un roman très important de mon père, qui est un roman presque autobiographique, où il raconte à la fois Antibes et Paris, justement. C'est le roman de sa vie, Monorail. Alors, on a quand même parlé des revues, et notamment de la NRF, et dans votre livre, j'ai lu que Audiberti appelait la NRF la reine Enaf. Oui, oui, pour s'amuser, cette reine Enaf, dans laquelle se retrouvaient tous les écrivains du moment autour de, naturellement, dans le bureau de Jean Paulhan. Jean Paulhan, l'extraordinaire Jean Paulhan, qui était vraiment la plaque tournante de la littérature à cette époque. Il fallait voir Jean Paulhan, être admiré par Jean Paulhan, être accepté par Jean Paulhan. Quelquefois, mon père disait, je ne sais pas ce que j'ai dit à Jean Paulhan, avec ma voix de café crème. Et c'est vrai qu'il avait une voix de café crème. Une voix blanche, un peu comme ça. Mais même s'il avait perdu l'accent du midi, il prononçait toutes les syllabes, toutes les lettres, avec attention. Chère Marie-Louise Audiberti, vous pourriez peut-être nous lire un petit extrait de ce passage sur la reine Enaf. Alors, le voici pénétrant chez Gallimard, rue Sébastien Botin. En haut de l'escalier l'attend un géant à la voix flûtée, Jean Paulhan, directeur de la NRF. Premier contact avec, entre guillemets, la reine Enaf, univers qui ne quittera plus guère. Race des hommes, un recueil de poèmes paru en 1937, lui vaut après, ensuite, de recevoir le prix Mallarmé, prix de poésie décerné pour la première fois. Jacques Audiberti entre vraiment au royaume des poètes. Ils étaient tous là, Jean Cocteau, Paul Valéry, Léon Polfargue et les autres. La même année, sa pièce Lampelours obtient le prix de la première pièce du théâtre. Magnifique. Donc il a évidemment connu tout le monde, même Surtout, je crois, à ses débuts, Benjamin Perret. Oui, Benjamin Perret. Le grand auteur du Déshonneur des poètes, probablement un des plus grands poètes français qu'il a rencontré oublié. Au Petit Parisien, et qu'il a vu la façon dont Perret écrivait, et que peut-être lui, mon père, qui n'avait pas vraiment fréquenté les surréalistes, il a quand tout de même... Il a tout de même intégré dans son œuvre ce courant décalé, ce courant inventif, lui qui était nourri de classiques au départ. Au fond, ça a été presque une autorisation, on peut dire. Presque en une sorte. Autorisation oui. À être ce qu'il était, oui. Ce qu'il devait être, c'est-à-dire inclassable, c'est-à-dire ce poète avant tout, il avait une langue d'une grande verdeur qui était vraiment entre l'argot et cet argot qu'il avait appris justement au journal Le Petit Parisien quand il faisait les faits divers au départ. Il avait connu la misère, il avait entendu parler les gens du peuple vraiment, ce qu'il n'entendait pas vraiment à Antibes où il était protégé. C'était un enfant protégé à Antibes. Et pour lui, ça a été une bombe qui a changé vraiment son rapport aux êtres, son rapport à la langue. Alors, tout ça, c'est Paris. J'ai l'impression quand même, Marie-Louise Audiberti, en vous lisant et en entendant Jacques Audiberti, j'ai l'impression qu'il avait un rapport passionnel, un rapport fou avec Paris. Oui, mais comme il a eu Antibes, à Antibes, il a grandi, il est devenu poète, et à Paris, il a appris son vrai métier, son métier d'écrivain réellement. Il a travaillé, il a vécu à Paris. Donc c'est vraiment ces deux pôles. Alors où est-ce qu'il vivait à Paris? Racontez-nous. Alors à Paris, il vivait d'abord avec la famille, c'est-à-dire ma mère et ma sœur et moi. On était d'abord dans les contreforts de Paris. Ma mère venait des Antilles, venait de la Martinique, et mon père d'Antibes. C'était deux êtres absolument perdus, antinomiques d'ailleurs, comme c'est pas possible, anti, je sais pas si ça a un rapport. anti quelque chose, et qui se retrouvaient comme ça, aussi égarés, aussi perdus dans la ville de Paris, l'un et l'autre, ne sachant rien des codes de la vie sociale. Mon père connaissait absolument. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que votre père a mis un temps fou à traverser la rive droite, la Seine. Aller sur l'autre rive. Et donc Paris, il a découvert Paris parce que après les faits divers, on lui a confié des reportages sur la ville de Paris. Donc il a exploré beaucoup d'endroits de Paris, ce qui a donné d'ailleurs, on a réédité tous ses articles dans un livre qui s'appelle Paris Fu, et où vraiment... Il était ami avec Léon-Paul Fargue, hein, le piéton de Paris. Ami avec Léon-Paul Fargue, le piéton de Paris. Il m'a d'ailleurs emmené chez Léon-Paul Fargue au moment où Léon-Paul Fargue était subclaquant, il allait mourir peu de temps après. Mais c'était un très grand ami de mon père, et je me souviens encore de cette vision de Léon-Paul Fargue dans son lit. Léon-Paul Fargue, Léger, Fernand Léger, Fombeur, plein de noms comme ça qui peuvent me revenir. André Salmon. André Salmon, avec qui nous avons fait l'exode. Valérie Larbaud. Valérie Larbaud, bien entendu, qui a été son premier mentor, comme je le disais. André Salmon, nous avons fait l'exode avec André Salmon dans les camions du Petit Parisien, avec mon père et ma mère, qui était institutrice à l'époque, ne pouvait pas qui ne voulait pas quitter la ville d'Étréchy où elle était. On disait que les fonctionnaires doivent rester à leur poste. Donc elle nous avait envoyé rejoindre notre père et on a fait l'exode Paris-Bordeaux dans des camions bleus qui sentaient l'essence et le saucisson. Et André Salmon qui avait peur. Et nous, les filles, on essayait de rassurer André Salmon. Vous aviez quel âge, vous étiez adolescent? Enfin, déjà 10-12 ans. Enfin, oui, c'est ça. Déjà, voilà. 10-12 ans. Non, on était quand même déjà grandes, mais petites. Absolument, ne connaissant rien à rien. Mais André Salmon se disait, bon, c'est des enfants, elles vont trouver... Évidemment, on a été tout de suite prises, acceptées et accueillies par un couple très gentil de Bordeaux. Alors qu'André Salmon se disait, moi, un vieux bonhomme, on va jamais me... Où vais-je dormir? Il était très effrayé. Alors, on a déjà dit qu'il aimait les femmes, un peu d'ailleurs comme les entomologistes aiment les papillons, c'est-à-dire qu'il les attrape, il les observe, il les décrit. Et au fond, ça l'intéresse pour écrire, quoi, pour sculpter les personnages. Tout devenait écriture. C'est mais ça. Enfin, c'était quand même un homme vivant, c'était un être de chair, avec une chair qu'il faisait souvent souffrir, où j'espère avoir du plaisir, j'espère pour lui. Mais les femmes, c'était pas ce qu'on appelle un homme à femme. Un homme à femme, c'est un homme qui prend les femmes facilement, etc. Pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mon père était un homme désirant. Il était tout le temps en désir de quelque chose qu'il n'arriverait jamais à obtenir. Donc c'était un écorché vif. Quand il a découvert le mal et la misère du monde, il a compris que l'homme était là pour à la fois souffrir et avoir ce plaisir immense de la vie. Enfin, c'est vraiment ces deux thèmes, ces deux signes qu'on pourrait dire, le mal et le bonheur, la joie et la peine. Et la peine, tout ça était en lui de façon vivante, extrêmement vivante, extrêmement forte. Vous avez souhaité, dans cette deuxième partie de votre nuit, ou en tout cas de la nuit spéciale consacrée à votre père, mais qu'on peut conduire grâce à vous et grâce à votre très beau livre, Marie-Louise Audiberti, vous avez souhaité nous faire entendre deux des entretiens avec Georges Charbonnier, datant de 1963, qui portent tous deux sur la littérature et l'écriture. Alors, on comprend bien, en écoutant la première, comment, au fond, Audiberti a pu marquer quelqu'un comme Roland Barthes, qui a puisé certains de ses thèmes chez Audiberti. Mais bon, c'est fait pour ça. Hein. Les idées sont faites justement pour être reprises, repensées et remises à jour. Donc voilà, elles sont là pour circuler, naturellement, et être attrapées au vol. Et donc, dans cet entretien, par exemple, il parle de la différence entre l'écrivain, l'écriveur et l'écrivant, et de la différence entre le rôle de l'écrivain au XIXe siècle et celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire de son temps, 1963. Est-ce qu'il a connu Roland Barthes? Barthes a connu? Ça, je ne sais pas très bien. Il y a quand même une petite chose. Il y a quand même une période de Barthes qui au fond, attrape des idées d'Audiberti. Oui, je sais seulement qu'il y a eu un échange de lettres et mon père lisait Roland Barthes. Il a lu Roland Barthes et je pense que c'était réciproque. Mais pour revenir à l'histoire de écrivain, écrivant, écriveur, par exemple, je peux dire quelque chose qui est assez amusant, c'est que pour lui, Molière était un écrivant et pas un écrivain. Parce que l'écrivain, c'est celui qui écrit pour écrire, qui a le sens des mots, qui a tout ça. Molière, pour lui, était un acteur écrivant ses dialogues. Donc c'était une façon... Il a consacré un livre à Molière, n'est-ce pas? Il a consacré un livre à Molière. Mais finalement, oui, parce que c'est l'homme de théâtre qui... C'est l'acteur. Au départ, Molière, c'est l'acteur qui écrit pour être... Oui, mais c'est le Jacques Audiberti, auteur de théâtre, Qui regarde Molière. Et d'ailleurs, il y a dans ce livre dont vous avez la gentillesse de parler, que j'ai écrit sur mon père, il y a une lettre qu'il m'écrit et qu'il signe Molière. Lettre à sa fille qu'il signe Molière. C'est-à-dire qu'il est une espèce de Molière, finalement. Il comprend très bien sa figure, au fond. C'est normal. C'est une des figures tutélaires. Probablement. On va parler tout à l'heure de l'autre figure tutélaire. Alors, le deuxième entretien qui est donc lié à ce premier entretien, qui en est la suite d'ailleurs, porte sur la poésie. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais insistons un peu. Votre père était d'abord et avant tout un poète. Il a d'ailleurs commencé par là. Et moi, j'aime beaucoup le poème qu'on peut lire dans votre livre et qui est inscrit sur la plaque déposée à Antibes sur sa maison. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en donner quelques phrases, enfin, si vous voulez bien, Marie-Louise Audiberti? Myriade d'été, substance des matins, mer à boire qui donne soif d'une réponse, pierres à double tour, gardiennes de destin, que votre joue, enfin, livre ce qu'elle annonce. Et là, j'explique que, dans cette première partie du poème, l'homme est enfermé dans les remparts qui ont joué un rôle très important. Les remparts de Vauban. Les remparts d'Antibes, construits par Vauban. Et d'ailleurs, mon père a fait une pièce sur Vauban, que Vauban, qui était une autre de ces figures importantes. Et d'ailleurs, il y a un détail assez amusant, parce qu'il raconte lui-même qu'il croyait, dans son enfance, il entendait les remparts dollars sont dus à Vauban. Il pensait que c'était une dette qu'il fallait rendre à Vauban. Et d'ailleurs, je dirais qu'il a rendu cette dette à Vauban, parce qu'il a chanté ses remparts vraiment de très, très, très souvent. Donc il prenait déjà les mots au pied de la lettre, comme le font souvent les enfants, qui oublient ensuite cette belle démarche. Le poète est captif de l'horizon, il est aspiré par l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez peut-être continuer de trois lignes peut-être ? Alors surface s'ouvre, alors perle bondit, de la perle sort nue une perle seconde. Elle enfante soudain l'œuf, par quoi tout soit dit, qui seront dans un flot de vérité profonde. Et là, moi, je crois que l'œuf, par quoi tout soit dit, c'est le verbe. C'est le verbe que le petit homme va pour s'évader. Et il n'y a que l'imaginaire. Marie-Louise Audiberti, on va passer à la seconde ou troisième archive, comme vous voulez, puisque les deux premières sont liées d'une certaine façon. Alors là, ça va être un tout petit peu compliqué parce que c'est vraiment, vraiment la grande figure adorée, aimée, pensée par, élue, relue par Audiberti, c'est Victor Hugo. Bon, donc il a donné trois causeries au Collège des Ondes en 1958 et je dois dire que j'ai été surprise, vraiment surprise, parce que je n'avais jamais entendu parler de Victor Hugo avec une telle modernité. Ce qu'il dit de Victor Hugo est vraiment d'aujourd'hui. On peut dire qu'il a vraiment senti l'œuvre, aimé l'œuvre qui était d'ailleurs chez son père. Et il raconte ça, qu'il lisait Victor Hugo, parce qu'au fond, c'est ce qu'il avait sous la main. Et c'est quelle chance d'avoir eu sous la main Victor Hugo, enfant. Et j'ai encore vu chez mon grand-père, donc chez son père, j'ai encore vu toute la collection Nelson avec tous les Victor Hugo étaient là. Et il a été vraiment nourri par ce Victor. Mais Victor Hugo, c'est l'homme total. Ah c'est oui. Vraiment l'homme total. C'est l'homme-dieu, comme je l'appelle dans mon livre sur Adèle Hugo, sa fille. J'ai un petit peu travaillé aussi sur Victor Hugo à cette occasion. Et Victor Hugo avait tout ce qu'avait mon père, c'est-à-dire qu'il aimait les femmes, il aimait la chair, il aimait la bonne vie, et en même temps, c'était quelqu'un qui pensait, c'était quelqu'un qui était travaillé d'image et qui ne cessait C'est un grand modèle, en fait. Grand modèle pour lui. Pour tout le monde, enfin. Je pensais, en écoutant Jacques Audiberti, à la très belle exposition qu'Annie Lebrun avait faite à la maison Victor Hugo, où justement, autre point commun, on exposait les dessins de Victor Hugo. Or, votre père a aussi beaucoup dessiné. Il a une œuvre graphique et picturale très importante. On peut voir. Vous avez apporté. Apporté quelques dessins. Là, par exemple. Ah, c'est très, très ce sont vraiment des dessins ou des peintures d'écrivains sur gouache. Il écrivait. Il dessinait sur n'importe quel support. Ce qu'il trouvait. Quelquefois. D'ailleurs, il disait que pour bien écrire, il fallait savoir dessiner. Exactement. Exactement. Il le fait dire à l'un de ses personnages de la fête noire. Saurais-je écrire si je ne savais décider ? Et il dit lui-même, je dessine penché sur la toile les mains écarquillées. Et moi, on voit encore dans tous nos appartements, c'est jonché de toiles, de toiles, et il dessinait avec n'importe quoi. Vous n'avez jamais envisagé faire une exposition ? Si, ça a été fait. Il l'a fait lui-même de son vivant, et moi j'en ai fait à peu près deux ou trois, je pourrais dire. Si, ça a été fait, parce que c'est vraiment des tableaux, ce sont vraiment des tableaux qui valent la peine d'être vus, qui sont des tableaux qui semblent abstrait, inspirés. Est-ce que vous pouvez les décrire à nos auditeurs, Marie-Louise Audiberti ? Abstrait figuratif. Par exemple, j'en vois un, je vois sur le côté gauche une sorte d'oiseau hibou, et je vois sur le côté droit une main de femme aux doigts extrêmement minces qui sort d'une, on dirait d'un vase Alcestis, en haut des couleurs, du jaune, du vert, du violet, et tout ça, je dirais que c'est inspiré, et c'est une, comme si c'était un tableau intérieur qui sort d'une vie intérieure, d'une sorte d'hallucination positive, parce que mon père savait très bien dessiner. En fait, c'est pas du tout au hasard. Tout ça n'est pas dû au hasard, mais dû à des soubresauts de l'âme, disons ça, de l'âme que conduit ses mains carrées qu'il nous décrit souvent lui-même. Alors là, cet autre tableau, on voit un visage d'homme. Est-ce qu'ils ont des noms? Non, j'en ai donné quelques fois, mais non, il n'a pas donné de nom à tous ces tableaux. À aucun de ces tableaux, il n'a donné de nom. Là, on voit un visage d'homme sévère. C'est un tableau rouge. Un tableau rouge, orange, avec comme deux, je ne sais pas, je vous voyais, deux lévriers qui regardent une espèce de boule de lévrier jaune, vert. Quel est le format de ces tableaux, Marie-Louise Oliberti? Sont des grands tableaux ou des petits? Non, c'est en général 50, 60, 70 centimètres, quelque chose comme ça, des tableaux moyens. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, beaucoup, beaucoup. Et finalement, je les ai tous déposés, presque tous déposés à l'IMEC, où j'ai aussi donné les archives de mon père. Et on peut les consulter là, et si on veut faire une exposition. Point commun avec Victor Hugo. Voilà. Et Victor Hugo, alors justement, dans cette exposition dont vous parlez, qu'a fait Annie Lebrun, Place des Vosges, la maison de Victor Hugo, on voyait la dominante noire de Victor Hugo. Oui. Parce que Victor Hugo avait sa... L'exposition s'appelait l'arc-en-ciel du noir. C'est ça, oui. Alors donc, mais on voit que on n'imaginait pas forcément les arc-en-ciel du noir qu'il avait cette dominante noire dans on savait la dominante fantastique, la dominante. On savait le goût aussi de Victor Hugo pour les, surtout depuis que sa fille Léopoldine était morte, son goût pour les tables tournantes, pour ce qui était un peu mystérieux comme ça, qui pouvait venir d'ailleurs. D'ailleurs, c'est amusant puisque quand on lit les textes qui émanent de cette table tournante, on s'aperçoit que Shakespeare, Homère, enfin tous ceux qui venaient parler, tous les esprits venaient en Alexandrin et en parlant comme Victor Hugo. Exactement, exactement. Il y a même, je crois, un des amoureux d'Adèle qui est devenu fou, enfin qui s'est rendu fou, un des frères qui n'y croyait pas, alors on l'éliminait des tables tournantes, enfin ça c'est l'histoire de Victor Hugo. Mais Victor Hugo et mon père se ressemblaient, sauf que Victor Hugo avait une tête politique, ce que n'avait pas du tout mon père. Il n'était pas politique du tout, mais tous les ismes, vraiment. Enfin, il a quand même inventé un concept, votre père. L'abhumanisme. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout politique. C'est pas politique. C'est presque métaphysique, je dirais même. Oui. L'abhumanisme qui est l'idée que l'homme doit oublier qu'il est le centre de l'univers. C'est-à-dire, doit savoir que les choses existent. Il doit se décentrer, en fait. Il doit se décentrer, les choses, les animaux, les objets existent autant. Le devenir d'une bouteille d'eau qui tombe du quatrième étage est aussi quelque chose de fort, d'aussi fort que la vie d'un être humain. Mais c'est peut-être un concept à remettre en circulation aujourd'hui. Je crois que ça serait quand même assez important. Oui, de savoir que d'autres espèces existent, etc. Pas du tout qu'il aimait spécialement les animaux ou les plantes, c'est pas ça, mais il trouvait que l'homme était trop narcissique et trop centré sur lui-même. Ce soi-disant humanisme, cette humanité proclamée n'avait donné que des guerres, que de la souffrance, que du mal, et ça, il en était extrêmement conscient. Alors, dernière archive, mais pas la moindre, c'est une archive un peu particulière parce que, disons tout de suite aux auditeurs que c'est 1947, Les Femmes du Bœuf de Jaco Diberti, montée pour la radio un an avant que cette pièce ne soit montée sur scène. Voilà. Donc c'est une première en quelque sorte. Et là, bien entendu, on y trouve Vitali Georges, interprète Jaco Diberti, qui fait un peu comme Hitchcock, qui figure toujours un petit peu plus ou moins dans ses pièces de théâtre. Il adore ça. Et puis, naturellement, l'immense Suzanne Flon. Alors, les femmes du bœuf, c'est amusant parce que il y a beaucoup dans les textes de mon père, beaucoup de dialogues ou d'oppositions ou de confrontations entre le père et le fils. Quad, c'est exactement ça. Il y a celui qui mène le bateau et le jeune Amédée, le père, le fils qui s'opposent. Et même ce qu'on retrouve, cette dualité, le père et le fils, a donné d'ailleurs à Marcel Maréchal l'idée de faire une pièce, un spectacle qui s'appelle Audiberti et fils, qu'il a joué d'ailleurs souvent avec son propre fils, Mathias Maréchal. Mais revenons à cette pièce, Les femmes du bœuf. Ce bœuf, cet immense bœuf, au fond, c'est mon grand-père, c'est le père maçon et le jeune homme qui est nigaud, naïf, qui ne sait rien faire. Et dans la vie, mon père était comme ça, il ne savait pas, ça agaçait assez son propre père, il ne savait pas visser, se servir d'un tournevis ou d'un marteau, alors que le père était lui un manuel. Et ben, ce jeune homme rêveur, dont le père se demande, le bœuf se demande ce qu'il va devenir, et finalement, on s'aperçoit qu'il va dans la montagne, et qu'il va rêver dans la montagne, et que là, il a toutes les femmes qui viennent autour de lui. Et c'est exactement le poète qui crée la beauté, alors que le boucher, le gros boucher, qui est sanguin et qui aime les choses de la vie et qui est près du concret, eh bien lui, il est dépassé complètement par ce fils poète. Et c'est un peu l'histoire de Père Maçon et de Jacques Audiberti, poète. Quelle est la toute première pièce de Jacques Audiberti qui est montée? C'est L'Empilour, qui est une petite pièce autour de Napoléon. Et ça ah oui, Napoléon, alors ça aussi, il a eu le prix de la première pièce. Mais Napoléon, c'est un pays, comme on dit, c'est-à-dire c'est le Corse, vraiment. Il a débarqué à Golfe-Juan. Ils étaient en face, quoi. C'est le voisin et en face. À peine, il a débarqué, on le voit, mon père l'imagine. Alors, dans cette pièce, L'Empilour, il imagine que quelqu'un revient. On espère que Napoléon va revenir. Enfin, il est toujours revenu. Pourquoi il ne reviendrait pas encore de Sainte-Hélène? Il va revenir. Et alors, arrive un prêtre, arrive un aveugle et arrive un troisième personnage, je ne sais plus. En tout cas, on croit toujours que c'est Napoléon qui revient. Alors là, ils s'en sont sûrs, dans le bistrot, dans le café de je ne sais quelle campagne française, on dit c'est lui, je l'ai reconnu, il se déguise, mais c'est lui. Et puis on apprend que Napoléon vient de mourir à Sainte-Hélène. Dans cette première pièce, L'Empilour. Audiberti est très vite rentré à la Comédie-Française. Oui, c'est vrai, assez vite. D'abord avec Les femmes du bœuf, avec Le Walou, qui est une espèce de farce, une petite farce assez courte, avec La fourmi dans le corps, avec Le Malcourt. J'en oublie peut-être. Au fond, cette tension entre un théâtre, disons, un peu d'avant-garde et assez intellectuel, d'un côté, et de l'autre côté, un théâtre très populaire, presque boulevardier, etc., qui se trouve d'ailleurs à l'intérieur même des pièces d'Audiberti, elle s'est donnée comme telle sur le plan, disons, sociologique, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, la Comédie-Française, de l'autre côté, les petites boîtes dirigées par Georges Vitali à la Huchette. Oui, mais disons qu'à l'époque, quand même, dans les mardis habillés de la Comédie-Française, ça s'appelait les mardis habillés, La fourmi dans le corps a été sifflée. Il a fallu les Robert Hirsch et autres pour défendre cette pièce, absolument. C'était trop tôt pour eux. Pour eux, c'était quand même, pour la Comédie-Française, c'était trop tôt. Après, on a eu Beckett, on a eu tout ça, donc voilà. Ça, après, on a eu des choses beaucoup plus décalées, beaucoup moins classiques. Mais le répertoire contemporain a eu du mal à entrer à la Comédie-Française. Oui, enfin, maintenant, il s'y impose. Bien sûr, maintenant, il s'y impose. C'est sans problème. Oui, à moins de rester la vieille dame que l'on, comme on la définissait, la Comédie-Française doit évidemment évoluer. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez un tout petit peu quand même de Georges Vitali, parce que il y a une histoire avec Vitali. Il a tout de suite montré votre père. Oui, il y a une histoire avec une petite boîte. Oui, d'abord, un petit théâtre à la Huchette, oui, c'est ça. Oui, ça a commencé à la Huchette, où ils ont commencé à essayer d'agrandir ce minuscule théâtre qui maintenant joue depuis 50 ans UNESCO, la Condatrice Sauve et autres. Et c'est, au début, c'était vraiment le tout petit théâtre. Et quand Vitali a monté, par exemple, la bête noire, qui s'appelait la fête noire, parce qu'il y avait eu déjà avant, il y a eu, on a été obligé de changer le titre, il y avait autant de comédiens sur scène que de public dans la salle. C'était vraiment le tout début de ces petits théâtres. Bon, après, Vitali a pu émigrer au théâtre La Bruyère, qui était dirigé par Ludmila Vlasto, qui était une grande amie de mon père, laquelle Ludmila Vlasto, entre parenthèses, a inspiré aussi un peu à la Rica. Enfin bon, il y a eu plusieurs personnes qui ont inspiré à la Rica, mais elle, qui venait de Russie, a inspiré à la Rica. Et donc, alors je reprends avec Vitali. C'était un homme très beau, impressionnant, avec sa voix « Monsieur Diberti, je vais monter le Malcourt ». Et alors, quelquefois, mon père avait un peu peur de lui. « Mais, monsieur Georges, est-ce que vous n'auriez pas par hasard, quand même au troisième acte, il me semble que vous avez coupé tel endroit ?» Enfin, mon père ne voulait pas qu'il y ait de coupe du tout. Bon, il y avait une espèce comme ça. Georges Vitali voulait que ce soit plus public, grand public, bien entendu, que mon père. Enfin, s'il y avait des tunnels, il voulait quand même couper un peu. Et mon père était contre. Et moi, je crois que si, il faut le faire, parce que il faut que le public soit puisse entendre la pièce, et mon père puisse entendre le théâtre. Et mon père était encore de la génération des gens qui écrivaient, c'est-à-dire les vrais écrivains. C'était un homme du 19e siècle, de ce point de vue. Il en est très fier. Il en est très fier d'être né sur la frontière. Oui. Être comme Baudelaire, comme d'autres, et d'appartenir au siècle d'un Baudelaire. C'est drôle parce que, par exemple, quelqu'un comme Jacques Lacan, qui est né en 1899 également, a toujours prétendu qu'il était né en 1900 pour... être du XXe siècle. Ah oui, pour faire moderne. Alors que là, oui, pour montrer sa modernité. Ah. Alors que Audiberti, c'est l'inverse. Au fond, il s'est approprié et le XIXe et le XXe siècle. Et oui, bien sûr, en descendant de Victor Hugo, il fallait qu'il soit du même siècle que Victor Hugo. Absolument. C'est quand même merveilleux. C'était la moindre des choses. Et il raconte quelque part que Paul Fort, qui était un poète connu de l'époque, et peut-être même Valéry, je crois, avait rencontré Victor Hugo à la fin de sa vie, dans l'avenue Victor Hugo. Qui, dit-il, n'avait pas encore de trait d'union entre Victor et Hugo. Victor Hugo a connu l'avenue Victor Hugo, c'est effarant quand on y pense, sur laquelle nous pouvons marcher, déambuler. C'est magnifique. Victor Hugo avait son avenue de son vivant. De son vivant. C'est incroyable. Et ce qui est magnifique, c'est l'enterrement de Victor Hugo avec tout ce déploiement érotique qui aurait vraiment, extraordinaire. C'est-à-dire qu'on célébrait en Victor Hugo l'homme de la vie, l'homme vivant. Et comme on appelait mon père un vivant professionnel, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Sauf que Victor Hugo semblait quand même plus tranquille, disons-le, plus tranquille que mon père, qui était quand même un écorché vif dans son corps et dans sa vie. Nous allons entendre Marie-Louise Audiberti, deux entretiens entre Jacques Audiberti et Georges Charbonnier. Ces entretiens datent de 1963, puis une causerie de Jacques Audiberti sur Victor Hugo, la deuxième, il y en a trois, c'est la deuxième que vous avez choisi de nous faire entendre. Dernière archive de cette nuit, Les Femmes du Bœuf, donc la version radiophonique, celle qui a été donnée en 1947, un an avant d'être montée sur scène. Et puis nous nous retrouvons après. Marie-Louise Audiberti, vous restez avec nous jusqu'au lever du jour, j'espère. Mais avec plaisir.